dans mon désespoir. De nouveau, tu me suis dans ma prison. Dans ce bagne où sans trêve l'âme est seule. Voudrais-tu découvrir pourquoi je me cache dans cette cage? Non pour un péché mortel, mais pour la terreur qu'aspire mon visage. Poursuivi par tout le monde, détesté de toutes parts, sans jamais un mot gentil, sans jamais le moindre égard, Christine. Pourquoi? Pourquoi? La main à la hauteur du regard. Je n'ose pas aller plus loin. Merci. Tu rassasié enfin ton désir de sang. Dois-je donc satisfaire ton désir de chair fraîche? Le sort qui me somme de verser le sang m'éloigne aussi, crois-moi, du giron des femmes. Cette face qui empêche, qui broie notre amour. Cette face qu'une mère a trouvée haïssable. Un masque, première étoffe impitoyable. Pitié n'est pas honte, tourne-toi et rends-toi compte, une éternité t'attend. Ce faciès. Nous de la visite, monsieur Raoul. C'est pour nous deux un bonheur sans parallèle. Vous espérez sans trop y croire. Au choix, mon vœu s'exauce. Quel désir exceptionnel. Lâche-moi. Laisse-la. Suis-moi d'accord, oui, mais laisse-la. Laisse-la donc partir. Le pauvre a l'air un peu aux abois. Quoi, bon Raoul ? Je n'aime qu'elle. Je te répète que je n'aime qu'elle. Pitié pour nous deux. Personne n'a de pitié pour moi. Christine, Christine, puis-je la voir mieux ? Mais bien sûr, monsieur. Monsieur, je vous salue. Aviez-vous peur que je lui fasse tort ? Pourquoi donc paierait-elle pour les fautes qui sont vôtres ? Carrosse, garde la main à la hauteur du regard. Rien ne te sauvera plus, non rien sinon Christine. Reste vivre avec moi, il est libre si tu m'aimes. Refuse et tu envoies ton amant à la mort. Voici le choix, voici le point de non-retour. Pardonne-moi, j'ai fait cela pour toi et rien n'y a fait. Je suis mon faux ami, nos grands espoirs maintenant. Pour jouer les héroïnes de pitié, toute notion d'espoir n'est faite. Pourquoi se battre? Car qu'est-ce que soit ton choix, tu as perdu. Alors vas-tu vivre avec moi, ou l'envoies-tu dedans sa tombe? Tu veux qu'elle mente pour me sauver, moi. Passe le point de non-retour. Je te supplie, Christine, rien non, ne gâche pas ta vie. Moi, seulement, son seul retour. Qui vous croyez pleinement. Ma patience est à bout.